Hein. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, toujours avec Phil Darmanu, toujours aussi avec notre ami Bruno, hein, qui est là avec nous jusque peut-être jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à minuit, probablement, il y a de fortes chances, il nous dit oui. Hein, je pense qu'il n'y a pas de problème, Bruno. Tout à fait exact, oui. D'accord. Donc je vais finir l'émission avec tous mes amis, Max, et puis Phil Dar, et puis Manu, et puis... Noémie. Et puis Noémie. Mais, je veux dire que je demanderai à Max la permission formelle. Il faut demander, parce qu'autrement, si on demande pas dans la vie, eh ben, ça va pas tomber du ciel. Il faut le demander. C'est bien, ben voilà. Eh bien, je voulais demander à Max si je pourrais revenir l'année prochaine seulement, pas tout de suite, pas tout le temps, l'année prochaine. C'est-à-dire, disons, dans un an, quoi. Enfin, dans un an, enfin, mettons pour le printemps prochain de l'autre printemps après. Si c'est possible. Oui. S'ils veulent bien, parce que tu, mais oui. Il n'y a aucun problème. Oui. Tu es ici, chez toi, c'est ta famille. En tous les cas, merci Max. Mais il n'y a pas de problème. Max et Phil Dar et Manu et puis Noémie, franchement, je les remercie tous. Il n'y a pas de problème. Bruno, tu connais Gérard? Non. Enfin, tu le connais par l'antenne. C'est débats de Gérard. Oui, tout à fait exact. Je le connais selon les débats qu'il a pu mener. Quels sont les débats qui t'ont marqué de Gérard de Suresnes? Eh ben, les débats qui m'a marqué, c'est surtout le, je sais pas, enfin je dis ça comme ça, hein. Oui, vas-y. C'est le dernier débat là que j'ai entendu, je crois, sur les routiers et la Sibie. Sur les routiers et la Sibie. Bon, par exemple, on peut parler de certains points qui étaient intéressants, c'est que les poids lourds, ils n'ont pas le droit de s'arrêter pour prendre des autostoppeurs. Alors exact. ça c'est négatif, hein. D'accord. Secondo, si jamais, enfin moi c'est d'après ce que j'ai compris, hein. Oui. Si par exemple il y a un accident et qu'il a besoin d'aide, me semble-t-il, eh bien il a le droit de s'arrêter. Oui, exact. C'est pas de refus, il a le droit de s'arrêter. Tout à fait. Et donc... Tertio Primo. Donc, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que le poids lourd, enfin, je veux dire, les poids lourds, ils sont obligés de s'arrêter pour dormir. Parce que c'est s'ils ne s'arrêtent pas pour dormir, alors... Ah oui, quand on leur demande de faire 35 heures, c'est pas 35 heures par jour. Tout à fait exact, oui. Oui, parce qu'il y a des fois, moi, j'ai vu des routiers, ils roulaient 35 heures par jour en pensant qu'il fallait faire 35 heures. C'est 35 heures par semaine. Les 35 heures, c'est par semaine. Tout à fait exact. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut faire 35... Il y a des routiers, moi, qui m'appellent et qui me disent « Max, comment peut-on faire 135 heures en 24 heures ?» Tout à fait exact. Dur. D'accord. Comment peut-on faire 35 heures en 24 heures, Bruno? Ah oui, oui. Alors, donc... C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Moi, ce que je voulais dire, Max, oui, c'est que, bon, vous allez me dire, vous, les poids lourds, vous allez me dire « Oui, mais ce gars-là, il connaît rien, il parle, mais il connaît rien. » Bon, mais c'est vrai que je connais rien. Je connais rien sur les poids lourds. Mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui nous ressemble, eux et moi, dans le sens où je voyage dans toute la France, en Grande-Bretagne et partout. Bon, à Noël prochain, je vais faire Pont-Erson-Morzine pour aller voir des gens à Morzine. Je vais passer Noël, donc je vais partir 15 jours avant. Bon. Mais ça fera 5 ans, 6 ans que j'ai pas été à Morzine en vélo. Et puis, bon, mais je voyage aussi dans toute la Grande-Bretagne et en France avec un vélo et 4 sacoches, avec tout ce qu'il faut. Oui, t'en l'as vu, hein. Donc, il y a quelque chose qui ressemble entre eux et moi. Ce que je veux pas dire non plus, que je connais forcément, bon, je les connais parce que je les vois passer sur la route. Mais bon, je connais pas spécialement la vie qu'ils mènent. Poids lourd, c'est un métier qui est drôlement dur, hein. Exactement. Alors, c'était donc une question où j'attendais juste un mot, et bien sûr, Bruno prend 5 minutes d'antenne, donc Bruno est de plus en plus à l'aise. Tout à fait exact. Voilà, donc on a quand même le chic de mettre les gens bien à l'aise. Au début, ils sont mal à l'aise, et puis après, ils deviennent très à l'aise. Après, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et justement, quand je te demandais tout simplement si tu connaissais Gérard, c'est que Gérard va se faire opérer demain. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être présent hier pour le concert de Jean-Pierre Sauzère. Et nous avons le porte-parole de la famille et du cercle très fermé de Gérard. Tu dis qui? Le main. On a le pan de Gérard. Sandy, bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir tout le monde, toute l'équipe. T'es malade? Moi, mais j'ai un peu la voix cassée, donc c'est pour ça que... Ah bah, moi aussi. Je ferme pas frais, ouais. Franchement, j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment la voix, là, j'ai un peu de parler. Je ferme pas frais, Gérard, tu lui as fait une pipi, voilà ce que ça t'a pris, voilà. Ah, aux autres? Voilà, ça lui fait... Il y a pas qu'à lui, hein. Gorge folle. Ah. Alors, comment va Gérard? Il va se faire opérer demain. Bah déjà tout d'abord bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à Bruno hein, qui est là parmi nous. Hein. Ouais, ouais. Et bah apparemment Gégé va très très bien. Je suis venue tout à l'heure à 15h, j'étais le voir. Ouais. Bon, je suis reparti sur les coups de 7h parce que les visites c'est jusqu'à 8h. Et il nous écoute là? Oui, il vous écoute parce qu'il a pris un petit poste de radio qui est facile. Donc tout va bien. Oui, tout va bien. Je vais même apporter des oranges, donc il était content. Pourquoi il est en tôle? Je voulais lui apporter des bananes, mais comme je n'avais pas trouvé, donc... Oh là, c'est dur. Je préférais lui apporter des oranges. T'inquiète pas. Ouais, c'est bon. Ouais, je fais un singe, c'est bon. Mais justement, là, j'ai fait un petit coucou, comme il est... Ah bah nous, on lui fait une grosse grimace, tiens. Ouais. Très bien. Bon, puisque... T'es sale là, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment avec comment il s'appelle Henri. Oh non, ça va pas recommencer. Non. Parce que Gérard nous a dit qu'Henri était revenu dans ta vie. Non, mais non, il est pas revenu dans ma vie, non, mais je veux pas en parler à l'antenne, ça regarde pas les auditeurs. D'accord, ok, parce que Henri a appelé tout à l'heure, il nous a... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il nous a dit qu'on pouvait en parler. Mais non, moi j'ai pas envie de parler d'Henri du tout. Parce qu'Henri voulait absolument passer ce soir à la radio. Il voulait te donner rencard devant la radio à minuit. Non. C'est pas possible? Non, voilà, il demande si c'est possible s'il peut te revoir dans le 15e comme il y a un mois. Non, mais. Non, c'est plus possible ça. Non, mais je veux pas en parler à l'antenne. Il y aura pas les chiens. Hein. Il vient sans les chiens, il nous a dit. Non, mais arrêtez vos bêtises, j'ai pas envie d'en parler. Il va t'emmener à la maison de campagne, il t'enfermera dans des cartons. Ouais, bon, c'est ça, ça m'étonnerait. Non, d'accord. Donc, on n'en parle pas, là. Non, mais... Gérard, écoute, quoi, c'est un peu emmerdant. J'ai juste un message à faire passer, c'est que des fois, dans la vie, on fait des petites erreurs, et moi, je sais que j'ai commis des petites erreurs, et tout ce que je demande à cette personne, enfin, justement, à cette personne que vous parlez, là... certains ont dit qu'il essaye de me pardonner parce que j'ai peut-être fait des choses que j'aurais pas dû faire. Je me suis mêlé des choses qui me regardaient pas. Ah bah ça, faire une pipe en y mettant les dents, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Mais non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je veux dire, on pardonne. Disons que j'ai fait des choses et justement, s'il écoute, qu'il essaie de me pardonner, c'est tout ce que je lui demande, c'est tout. Ouais, ça. Disons que tu veux lui pardonner et tu veux faire comprendre quelque part que t'as encore un peu envie de lui, quoi. Non. Ah d'accord, excuse-moi, parce que lui, c'est ce qu'il croit. Hein. Non, mais j'ai fait des erreurs, mais tout le monde peut faire des erreurs, et puis moi j'ai fait une grosse connerie, et puis faut me pardonner, quoi, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Je crois que tout le monde a fait des choses qu'il ne voulait pas, et moi j'en ai fait une. Il a pas tellement pensé que tu lui fasses caca dans le lit. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, Sandy? Non, mais ça, je le dirai jamais à l'antenne, ça. Non, mais ça regarde pas les auditeurs, ils écoutent pas. Ça regarde pas les auditeurs, ça regarde personne, ça regarde que mon cœur et moi, et c'est tout, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas simple, parce que bon, on les connaît un peu, entre Gérard qui nous écoute, qui est sur Froli, qui nous abordait. À mon avis, les vices vont se barrer tout seul. Et Henri qui doit nous écouter, c'est sûr que c'est ton cœur, donc... Nous, on les connaît tous les deux, c'est vrai qu'ils sont beaux tous les deux. Oui. Et c'est, pour toi, ton cœur, c'est que tu sais pas lequel choisir. Non, c'est pas la question de ça, mais j'ai fait une erreur et tout ce que je demande, c'est le pardon de cette personne et puis ouais. Qu'il me pardonne et puis c'est tout ce que je demande, moi, juste le pardon. Bah oui. C'est pas autre chose. Lequel des deux fait mieux l'amour? Mais arrête, Fildar, on ne se regarde pas. Non, c'est relou. Fildar, Fildar. Ah, c'est Manu qui a posé. Il ne s'est jamais rien passé entre moi et Henri, ni avec qui que ce soit, c'est tout. Avec Pépette, son petit caniche. Voilà. Excuse Pépette, elle ne voulait pas. Et c'est pas parce qu'il y a eu une petite pipe qui a été faite sous un pont du 15e que bon, ça y est, c'est une histoire ancienne. Non, mais c'est rien passé, même s'il serait passé quelque chose, je ne le dirais pas. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'en parlera pas. Non, il ne s'est rien passé. Moi, je ne veux pas en parler à qui que ce soit. Surtout avec Gérard, il n'y a pas de folle qui va se faire opérer demain. C'est pas le moment, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Eh bien, ce que j'en pense, pas grand-chose, parce que, je sais pas si j'ai pas suivi tellement le débat, parce que j'avais les yeux ailleurs. Ah. T'avais des pensées ailleurs, ça. Dans les yeux. Il écoute avec les yeux. Oui, pardon. Tout à fait exact. Par contre, ce que je comprends pas, c'est, j'aurais demandé à Max comment. Alors ma première question, c'est comment que ça a eu arrivé à Gérard? Ah, il a eu un accident. Ah, voilà. Ah, bien. Ah non, mais je veux dire bien, ça veut dire que j'ai compris. Ah d'accord, bien sûr, je sais bien. Et donc là, il s'est opéré, comme ça il va être bien, il va pouvoir courir comme avant. Ah, oui, alors donc... Deuxième question ou... Oui, alors deuxième question, courir comme avant, oui, s'il y a quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire comme il faut pour plus que... C'est le médecin. Le médecin, oui. Oui, oui. Si le médecin le soigne bien, s'occupe bien de ça, il est sûr que ça se verra plus, quoi. Ah de toute façon, le médecin va tout faire pour que ça se passe bien, pour qu'il le voit jamais. Voilà. Parce que si tu veux, son but quand même au médecin, surtout pour Gérard, hein, samedi, c'est qu'il s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais. Pas forcément, non. Non, mais si, parce que pour le médecin, il faut que ça se passe bien, l'opération. Faut surtout qu'il fasse bien son boulot et puis qu'il rate pas son coup, parce que s'il trompe deux jambes, après, il va dire bien, s'il trompe deux jambes, c'est vrai que ça fait un coup. Deux pas de folle. Là, après, ce serait vraiment la catastrophe, franchement. Ah, je le vois. Parce que. Qu'en pense Bruno ou... Non, mais nous, ça nous fait rire parce que pour ceux qui ont eu la chance, vraiment la chance de voir Gérard avec sa patte folle, on imagine le médecin se tromper. Gérard avec deux pattes folles en train de courir derrière Fildar et pendant les débats. Non, mais là, on filme, on met ça à la télé, mais personne n'y croit. Ouais, c'est sûr que quand même, après Fildar, là, il a un peu du mal après. Ah, bah là, Mais quoi que quand il va se ressortir de l'hôpital, je pense qu'il aura des béquilles. Donc, oui, non, mais après, on parle d'après, oui, bien sûr, oui. Ce ne sera pas évident pour lui pour marcher, mais moi, je serai là pour l'aider. Donc, bah, évidemment. Je serai là pour le soutenir. De toute façon, avec le poids, il pourra s'appuyer sur toi. C'est pas pour te casser la gueule. Bon, bref. Bref, ma petite Sandy. Oui. Gérard. L'homme de ta vie, ton amour, celui à qui tu voulais apporter des bananes et tu t'es contenté de lui ramener des oranges, on t'embrasse très fort, on salue bien entendu Gérard à qui on fait un clin d'œil et qui nous écoute et qu'on embrasse très fort et je suis persuadé que l'opération se passera bien, il va enfin pouvoir se sortir de ses tracas et finir ses vilaines vis qu'il a dans sa jambe qui se dévisse. Il se balade maintenant. Tu verras qui les garde, hein. Elles doivent être dans le genou. Voilà. On les voit. Juste une chose à dire, c'est que il faut que la personne que je parle, faut qu'elle me pardonne. Bien sûr. Moi, je demande juste le pardon, c'est tout ce que je veux. Henri a bien compris. D'accord. Juste qu'on me pardonne. Et d'accord. J'ai peut-être fait des conneries, mais moi, j'étais pas au courant et. Et j'ai fait une faute grave, je sais. Voilà. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? On va s'informer en antenne. En tout cas, on salue même le médecin Bricorama qui va faire du bon boulot à Ikea. Professeur Ikea, faites-nous du bon boulot. Hein, vous nous ouvrez bien la cuisse, vous faites du bon boulot, vous enlevez cette plaque avec toutes les vis. Je veux quand même raconter que Gérard, s'il devait se faire opérer, c'est qu'à un moment donné, il avait 5 ou 6 vis et puis il me disait qu'il avait 2-3 qui se barraient. C'est d'être blindé de vis. C'est la plaque, elle doit être toute rouillée et tout. Ah, c'est bon, foutre un peu d'huile à l'intérieur. Ah, là, là. Mon petit Gégé, on t'embrasse très fort. Et on prendra des nouvelles lundi. Je t'embrasse aussi, Gégé. Ah, bien sûr. Et on prendra des nouvelles lundi de Gérard. On aura des nouvelles, tu penses? Oh, bah oui, sûrement. Hein. D'accord, faut l'appeler où? À Ikea, à Castorama, faut l'appeler où? Bon, on t'embrasse, Sandy. Ok, moi. Bisous. Ciao. Et on salue encore une fois de plus, mais tout le monde se joint bien sûr à moi pour souhaiter d'avance bonne opération, un bon rétablissement à notre ami GG qu'on va retrouver en pleine forme et très vite.